Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Fadjet 94.2. C'est parti pour une nouvelle édition des bons plans solidaires, une édition spéciale consacrée au 24e Festival du film d'action sociale Regard documentaire organisé par l'IRTS de Lorraine, l'Institut régional du travail social. Tout au long de cette émission, nous allons rencontrer les différents protagonistes de ce festival, y compris les membres des jurés qui vont élire trois prix au cours de cette semaine. Donc, le festival a débuté aujourd'hui, il démarre à 14h avec l'inauguration. Et puis, tout au long de la semaine, tout le monde peut venir à l'IRTS pour visionner les 35 films de la sélection qui seront donc projetés sur différentes salles et à l'amphithéâtre entre 9h et 12h et 14h et 17h. Et on retrouve notre envoyé spécial Agathe, qui est à l'IRTS, et qui rencontre Benoît Malherbe, le responsable du festival. À toi Agathe. Bonjour Benoît Malherbe, vous êtes le responsable du festival du film d'action sociale qui démarre aujourd'hui à l'IRTS de Lorraine. Pouvez-vous nous présenter ce festival ? Bonjour à toutes et à tous. Le festival du film d'action sociale de l'IRTS de Lorraine, qui existe depuis 1988, propose un riche panorama de la production audiovisuelle du secteur social. En fait, il vise à promouvoir les réalisations documentaires autour des grandes thématiques sociales et sociétales. Et comme vous l'avez dit, il démarre aujourd'hui à 14h et se terminera dimanche soir. Ce festival est d'abord un focus évoquant des sujets sociaux et sociétaux. À quel spectateur ou professionnel s'adresse-t-il ? Je dirais qu'il s'adresse à tous, que l'on soit lycéen, étudiant, professionnel de l'action sociale ou de la solidarité, ou simplement citoyen. Les sujets abordés dans les films sont des sujets d'actualité qui nous concernent tous. Alors justement, quelles sont les thématiques abordées cette année au travers de cette sélection officielle ? Alors pour cette 24e édition, nous avons réparti les documentaires dans des grandes thématiques, comme l'aide sociale à l'enfance, les droits de l'homme, l'engagement, l'exil, l'handicap et les institutions, et d'autres que vous pourrez découvrir en venant voir les films chez nous. Durant cette semaine de festival, un des grands objectifs majeurs est de favoriser les échanges, les débats au travers de rencontres lors de projections des films. Comment cela se passe-t-il concrètement ? Concrètement, nous invitons les réalisateurs à venir présenter leurs films, à nous dire pourquoi ils l'ont fait et quelle est la genèse de leur projet. Pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, nous avons prévu des rencontres en visioconférence. Le public dans la salle pourra leur poser des questions ou prendre la parole simplement pour témoigner ou apporter son éclairage. Combien de réalisateurs et leurs films se sont-ils inscrits à ce festival 2022 et comment vous avez fait pour arriver à construire la sélection officielle ? Nous avons reçu 251 films suite à notre appel à films en juillet 2021. Avec notre comité de sélection, on fonctionne beaucoup au coup de cœur, c'est primordial. Ensuite, au fil des visionnages, on fait émerger des thématiques et petit à petit, nous répartissons les films dans les compétitions pour en final en avoir retenu qu'une trentaine. Les réalisateurs et leurs films viennent de France, mais régulièrement de bien plus loin, n'est-ce pas ? Effectivement, cette année ne déroge pas à la règle. Nous avons des films de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, de Tunisie et le plus loin, c'est un film québécois. Que pouvez-vous nous dire sur les caractéristiques de ces films documentaires ? Cette année, nous avons reçu beaucoup de films sur l'exil et les migrations, encore plus que d'habitude d'ailleurs. Grande nouveauté, nous avons reçu un nombre de films sur le premier confinement où des réalisateurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, se sont filmés au quotidien et font part de leur incertitude liée à la crise sanitaire que nous venons de traverser. Y a-t-il des nouveautés lors de cette nouvelle édition 2022 ? Alors effectivement, cette édition 2022 a une forme inédite. Le festival a lieu en présentiel dans nos locaux de l'IRTS de Lorraine. Je dirais comme à l'accoutumée, mais cette fois-ci, il est accessible en ligne également. Nous avions expérimenté la mise en ligne du festival l'année dernière à cause des confinements, et finalement, nous en avons retiré des points positifs. Cela nous a permis d'élargir notre public sur tout le territoire. Le fait que les films soient accessibles le soir et le week-end permet aussi à un plus grand nombre de profiter de la programmation en dehors des heures de travail et des heures de projection en salle. Pour réaliser un tel festival, il vous faut bien évidemment des partenaires financiers, institutionnels ou autres ? Oui, effectivement, le festival est porté par l'IRTS de Lorraine, évidemment. Il y a aussi la région Grand Est, l'UNAFORIS, la DRAC, la plateforme UNAFORIS Grand Est, le conseil départemental 54, la MAIF, Harmonie Mutuelle Meurthe-et-Moselle et Moselle, l'association Arelia au travers du groupe de solidarité actif et la ville de Vendeur. Combien y a-t-il de jurys lors de cette 24e édition et qui sont-ils ? Alors, il y a trois jurys spécifiques pour cette édition. Le jury Regard Social, qui est composé de travailleurs sociaux, de professionnels de l'action sociale, de personnalités du documentaire, Il y a Blandine Glamchevski, directrice du Festival international du film de Nancy, Benoît Degeff, qui est maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Lorraine, Anne Olivier, directrice des formations à l'IRTES de Lorraine, et Régis Kael, réalisateur. Donc ce jury remettra le prix de la Maïf d'un montant de 750 euros. Nous avons aussi le jury Regard étudiant, composé d'étudiants en formation au métier du social, dans les établissements de la plateforme Unaforis Grand Est. Il remettra le prix Regard étudiant d'un montant de 750 euros, financé par l'IRTES de Lorraine. Et enfin, il y a le jury Regard public, composé d'usagers et de professionnels du groupe Solidaire Actif, de l'association Arelia, qui remettra le prix de la solidarité d'un montant de 400 euros. Quels seront les grands moments de ce festival pour cette nouvelle édition? Je dirais bien tous, mais tout à l'heure à 14h, vous pouvez venir à l'ouverture du festival à l'IRTES de Lorraine. Vous pourrez voir un film magnifique en noir et blanc qui se déroule en Inde où des soignants se rendent à domicile de personnes en fin de vie et les accompagnent ainsi que leurs proches dans la plus grande dignité. Un des autres moments forts, c'est bien sûr la soirée à l'espace Yves Coppens mardi, demain à 19h30, en partenariat avec le groupe Solidaire Actif et la ville de Vendeuvre. Nous accueillons Margot Meurice et Julien Masson pour la diffusion de leur film « Il y a là, plus haut que le Mont Blanc ». Il y aura aussi une soirée en partenariat avec le Forum IRTES de Lorraine, qui aura lieu mercredi à 18h30 dans les locaux de l'IRTES. Nous recevrons Annie Dautan, la réalisatrice du film « Connexion » Banksy x Jericho, dans lequel les œuvres des deux artistes sont mises en perspective autour de la crise migratoire qu'a connue l'Europe ces dernières années. Il y aura un deuxième film, mercredi, que nous diffuserons, ce sera Tilo Koto. C'est un film qui nous emmène au Sénégal, on y fait la connaissance de Yankuba Badji, qui rêve d'ailleurs d'exil vers l'Europe, sauf qu'il n'a jamais pu traverser la Méditerranée et son péril s'est arrêté en Libye, où il a bien failli perdre la vie. Et bien sûr, il y aura la remise du palmarès, jeudi à 18h30 à l'IRTES. Vous nous reprécisez le détail de cette 24e édition du Festival du film d'action sociale que vous organisez? Alors le festival est ouvert à tous. Il se déroule à l'IRTES de Lorraine à Nancy jusqu'à jeudi soir. Les diffusions commencent en général à 9h le matin pour se terminer autour de 17h30. Vous pouvez télécharger le programme complet sur le site irtes-lorraine.fr et vous avez aussi la possibilité de regarder tous les films gratuitement jusqu'à dimanche minuit sur irtes-de-lorraine-tout-attaché.kino.tv. Merci de votre disponibilité, bon festival et à jeudi à 18h30 pour la remise des prix. Ben merci à vous pour votre accueil et effectivement, on se donne rendez-vous jeudi à 18h30. Au revoir. Eh bien merci Agathe et merci Benoît pour toutes ces informations concernant ce festival. Nous allons retrouver maintenant Nadège Torchia qui est directrice adjointe de l'association Arelia et qui avec le groupe Solidaire Actif participe à ce 24e festival. À toi Nadège. Nadège Torchia, bonjour. Vous êtes directrice du pôle développement et innovation sociale de l'association Arelia. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association, votre pôle et votre lien avec le festival du film d'action sociale? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je travaille à l'association Arelia qui a une longue histoire autour de l'inclusion sociale, que ce soit sur l'hébergement, l'accompagnement ou les chantiers d'insertion. Et le pôle développement est plus particulièrement attaché à accompagner les bénéficiaires du RSA et aussi à travailler autour de la parentalité. Et dans ce cadre-là, nous avons notamment l'action GSA, le groupe Solidaire Actif, qui travaille depuis 3 ans en forte proximité avec ce festival, avec particulièrement l'IRTS. Comment avez-vous connu ce festival? Alors, on a une histoire effectivement de proximité avec l'IRTS, vous en doutez, hein, ce centre de formation qui travaille à former donc des travailleurs sociaux depuis de longues années. Et c'est tout naturellement qu'on essaie de monter des projets entre notre association et ce centre de formation. Et c'est l'un des opérateurs principaux de l'IRTS qui s'est rapproché de nous pour pour nous proposer d'y participer il y a 3 ans avec nos accointances autour du travail social et de l'apport de nos bénéficiaires dans ce festival. Et que vous apporte votre participation au festival Regard Documentaire ? Alors, c'est tout d'abord un travail de partenariat, comme je le disais, entre Arelia, l'IRTS et plus particulièrement le groupe Solidaire Actif, puisque ses membres donc, sont très, très actifs sur des troncs forts, notamment sur la participation à la semaine du festival, donc avec des émissions radio, avec des manifestations publiques, des séances de projection qu'on organise sur Vendeuvre à l'espace Copins. Donc j'en profite pour vous signaler que la diffusion aura lieu ce mardi à 19h avec la présence des réalisateurs d'un très beau film de la sélection qui s'appelle Le Yala, plus haut que le Mont Blanc. Je me permets donc de vous en faire une petite publicité sans vous en dévoiler la fin, puisque c'est l'aventure de jeunes accompagnés de leur éducateur pour un projet d'escalader le plus haut sommet d'Europe. Donc une sacrée aventure qui vous permettra de comprendre et de vivre cette aventure avec ces jeunes gens avec auprès de leur éducateur. Donc on ne peut que vous conseiller demain de le visionner. Alors l'inauguration du festival est tout à l'heure à 14h. Comment trouvez-vous déjà cette 24e édition ? Cette 24e édition est vraiment très intéressante et très riche. Il y a une diversité de films avec des thématiques représentant bien les difficultés et évolutions de notre société. Avec la présence de nombreux réalisateurs, de nombreux échanges et une invitation de l'IRTS à toutes les projections et animations à nos usagers. Donc ça, on ne peut que féliciter sur cette organisation et cette volonté de représentativité de l'ensemble des problématiques de notre société. Et alors, au niveau des animations, je crois qu'hormis la projection du mardi soir, de demain soir, je crois qu'il y a aussi une autre initiative qui a été proposée dans le cadre du festival. Oui, alors là, la semaine va être très riche. Alors, le premier temps fort, c'est la remise des différents prix qui aura lieu donc ce jeudi à l'IRTS à partir de 18h. Et là, ça sera l'occasion pour Arelia et le GSA de remettre le prix de la solidarité. Et notre dernier temps fort pour formaliser cette fin de festival et cet investissement que les membres ont eu depuis septembre sera marqué donc par un événement festif qu'on organise au château du site Sauvois, donc d'Arelia, à Maxéville, ce vendredi à partir de 13h30. Et là, donc, ça sera l'occasion de voir la diffusion du film lauréat donc, de notre prix de la solidarité et aussi la projection de petites productions qui ont été effectuées au sein d'Arelia et dont le premier film amateur d'un des membres du GSA. Donc là, on est très fiers de pouvoir porter à la fois ce travail sur plusieurs mois et aussi ces compétences et talents que nous avons au sein du GSA. Et pour l'ensemble des informations, des horaires ou autres, vous pouvez nous retrouver sur notre Facebook Arelia Online. Vous aurez tous les détails et on espère vous y retrouver nombreux. Oui, et puis il y a aussi la page du site du festival. Donc vous avez toutes les informations. Eh bien, écoutez, Nadège Torchia, merci beaucoup de votre disponibilité. On vous souhaite un bon festival. Et puis à jeudi 18h pour savoir qui est le lauréat. Merci à vous pour votre accompagnement dans tout ce belle activité et festivité. À bientôt. My body was sacred. My words were sacred. My time was sacred. Together we stand. My hand. My words were sacred. My time was sacred. Together we stand. The property I owned was sacred. And these inviolable sanctities were preserved in those words. Et bien après cette pause musicale, nous retrouvons maintenant une autre personne qui participe à ce festival. Nous sommes sur le secteur de Vendest, à l'espace Copas, et nous allons retrouver toute l'équipe de Copas qui participe à ce festival et qui organise mardi soir une projection avec le film « Yalla, plus haut que le Mont Blanc ». Allez, on retrouve Nadia et toutes les filles de Copas. Alors, je suis en direct de l'espace Yves Copas à Vendeuvre-lès-Nancy, dans le cadre du Festival d'Action Sociale. Bonjour Nadia. Bonjour Lionel. Alors, vous êtes Nadia Tabiak, vous êtes agent de développement social et gestionnaire de l'espace Copas ici à Vendeuvre. En quoi consiste votre rôle et qu'est-ce que c'est l'espace Yves Copas? Alors, l'espace Yves Copin, c'est une salle communale polyvalente et solidaire, ouverte aux habitants, aux associations du quartier et bien au-delà. Et mon rôle consiste à animer et gérer les structures en lien avec les habitants et les associations du territoire. Comment vous avez connu le festival et vous y êtes aussi engagé? Alors j'ai connu le festival grâce à un certain Lionel Blaise, coordinateur du groupe Solidaire Actif, qui m'a fait découvrir le festival il y a 2 ans. Malheureusement, via la crise sanitaire, on n'a pas pu vous accueillir au sein de l'espace. Et donc c'est avec un grand plaisir qu'on accueille le festival dans le cadre de sa décentralisation le 3 mai. À l'espace Yves Copins. Et donc, c'est un groupe qui a été constitué, qui va aussi faire partie du jury du prix de la solidarité. Et donc, ce sont des jeunes du quartier qui font partie de ce groupe? Tout à fait, ce sont des jeunes du quartier, engagés dans tous les événements qu'on accueille. Et ils sont également, non seulement membres du jury, à part entière, pour le prix de la solidarité, mais également ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils sont chargés de communiquer auprès des habitants, des associations, de leur groupe de pairs, les manifestations qui ont lieu au sein de la structure. D'accord, alors justement, une des demoiselles est là, Vissal, bonjour. Bonjour Lionel. Alors dites-moi Vissal, comment vous avez découvert le film d'Action Sociale et comment vous êtes pris pour vous intégrer au jury du prix de la solidarité? Alors donc c'est Nadia Tabia qui nous en a parlé. Vu qu'on est en relation avec elle depuis cet été, elle nous en a parlé pour qu'on puisse faire partie du jury. Ça vous intéresse? Oui, bien sûr. Je suis aussi avec Mélina. Bonjour Mélina. Bonjour Lionel. Alors vous avez 14 ans et vous allez m'expliquer un petit peu quel est votre rôle à vous et à vos collègues dans le cadre du groupe Copas qui participe au festival. Notre rôle ici c'est, on est les ambassadeurs avec Nadia Tabiak. Voilà, donc vous avez déjà, je suppose, tous ensemble, vous avez déjà vu les films. Oui, on a communiqué ensemble sur les films, pour choisir les films. Et vous avez, je crois, aussi organisé ou co-organisé avec Nadia, avec d'autres, la soirée de projection qui aura lieu demain soir ici. Oui, ce qui aura lieu le 3 mai, ici à l'espace Yves Copins, pour la diffusion du film le Yalla, le plus haut que le Mont Blanc. Voilà, Yalla, plus haut que le Mont Blanc, un film documentaire qui raconte une aventure de jeunes, comme vous, mais qui sont partis gravir le sommet du Mont Blanc. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y aura la présence des deux réalisateurs, enfin le réalisateur et la réalisatrice qui ont réalisé ce film-là. Donc vous nous rappelez, c'est demain soir, c'est ça, à partir de quelle heure? Demain, à 19h, ouverture des portes, ouverture de la projection 19h30, diffusion 20h. Et ensuite, on se retrouve autour d'une collation, tous ensemble, en présence, donc, comme l'a dit Lionel, des réalisateurs, pour un échange, un moment convivial entre le public, qu'on espère nombreux, habitants de Vendeuvre, et bien au-delà, et avec les organisateurs et les réalisateurs. Alors, Mélina, toi, c'est ta première participation à ce travail-là? Oui, c'est ma première participation, parce que j'ai rejoint récemment le groupe Yves Copins, parce que j'habite au Haut-du-Lièvre. Et du coup, j'ai rejoint récemment ça, et du coup, j'aimerais bien participer au projet du film. D'accord, très bien. Ça te plaît, donc ? Oui, ça me plaît beaucoup. À tous les festivaliers, je vous donne rendez-vous demain soir à partir de 19h, salle Yves Coppens à Vendeuvre-les-Nancy, sur le quartier Vendest, 54 allée de Marken. Vous verrez, c'est assez facile, il y a un grand parking, vous pouvez vous garer sans problème. Et puis, bon festival à vous tous. Merci Mélina. Merci à vous aussi. Merci Vissal. Merci à toi Lionel. Et merci Nadia. Merci Lionel. Et maintenant, nous retrouvons une nouvelle partie du jury du prix de la solidarité, puisque cette année, le groupe Solidaire Actif, qui remet ce prix, a invité différents établissements et différents groupes pour les rejoindre. C'est en tout environ 70 personnes qui ont visionné les films sélectionnés et qui vont rendre leur verdict jeudi lors de la remise des prix, lors d'une cérémonie qui aura lieu à 17h à l'IRTS. Donc on retrouve les jurés de la Cuesta, c'est un établissement qui se trouve à Toul, mais vous vous expliquez ça bien mieux que moi. Allez, à vous Toul. Alors je suis à la Cuesta à Toul, à une vingtaine de kilomètres de Nancy. Je suis avec Margot et je suis avec Frédéric. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Margot, la Cuesta est une structure d'Arelia et c'est une maison relais. C'est quoi une maison relais ? Alors la Cuesta, en fait, la pension de famille accueille des résidents, 25 en tout, qui a pour but d'amener les personnes vers une meilleure autonomie, donc au niveau des droits, de la santé, des compétences sociales aussi. Donc on accueille les personnes avec la salle commune où ils viennent bien boire un café. Il y a des activités qu'on propose aussi. Donc c'est vraiment une structure très familiale, d'où le nom pension de famille. D'accord. Et du coup, il y a combien de résidents à la pension de famille à la Cuesta ? Alors actuellement, il y en a 24, mais il y a 25 places, des logements autonomes, juste au-dessus de la salle commune. Oui, et puis quand on visite, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est vraiment chouette, le petit jardin, une belle déco. Oui, on a la chance d'avoir une terrasse dehors où justement je vais faire un atelier de jardinage, vu que le beau temps va arriver. Donc oui, on est bien placé, près de la ville, tout ça, c'est parfait. La Cuesta, comment vous avez découvert le festival du film d'action sociale de l'IRTS de Lorraine ? Alors moi, je suis étudiante en première année de moniteur éducateur à l'IRTS. Et en même temps, je suis en stage ici. Donc via mon tuteur, j'ai appris tout ce qui était mis en place avec le GSA. Et c'est comme ça que j'ai découvert le festival. Alors, on est avec Frédéric aussi. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, dites-moi Frédéric, vous faites partie du jury du prix de la solidarité dans le groupe La Cuesta. Alors, en quoi ça consiste d'être juré d'un grand festival comme ça ? Ben, ça consiste à visionner des films, en fait, et puis les choisir et après les sélectionner. Alors je crois que vous êtes parti, vous aussi, des 235 films qui étaient présélectionnés. Il y a eu plusieurs étapes. Aujourd'hui, vous avez tous ensemble fait la sélection finale, hein, avec donc 15 films, pardon. Et sur les 15 films, vous allez donc là choisir pour jeudi le film préféré. Oui. Je peux avoir un petit scoop, vous savez déjà un petit peu quel est votre film préféré ? Non, on ne peut pas le dire, il faut attendre jeudi. Ah, c'est bien, voilà, un bon juré. Ok, eh ben, merci à vous à la Cuesta, et puis bon festival, toute la semaine. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. I had a bad week. Spend the evening pretending it wasn't that deep. You could see in my eyes that it was taking over. I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right down. Help me get it off my chest and out into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now, 'cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be cancelling all our plans and not give a damn if we're missing out on what the people think is right. Seeing through a picture behind a screen and forget to be. Lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me, oh, we should head out to the place where the music plays, and then we'll go all night, two-stepping with a woman I love. All my troubles standing up, and when I'm in your eyes, electrified, we'll keep turning. in our time. But we know what it means to be low then up, alone then love. And all we need is us to go all night, night. Just happen with a woman I love. Night, yeah. All we need is us. What do you reckon? Is it just me? Words are weapons and occasionally they cut deep. Crisis of confidence, it tends to come when I feel the dark and I open my heart. If you don't see it, you should trust me. I feel like I got nothing left right now, except this beauty in her dress right now. She got me feeling like the best and the rest are just less than she needs. So we press play and step to the beat, cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be cancelling all our plans and not give a damn. Head out to the place where it plays and we'll go all night. Two-stepping with a woman I love. All my troubles turn to nothing when I'm in your eyes. Electrified. We'll keep turning up and go all night. We had dips and falls in our time, but we know what it means to be low then up, alone then love. And all we need is us to go all night, night. To step in with a woman I love. Night, yeah. All we need is us to go all night, night, night. To step in with a woman I love. Voilà, après cette deuxième pause musicale, on va retrouver une autre partie du jury du prix de la solidarité qui se trouve à Nancy, qui est le foyer Marais. Et nous allons retrouver Lionel et des résidents qui vont nous expliquer leur rôle dans ce festival. À vous. Eh bien, je me retrouve ici au foyer Marais à Nancy et je suis avec Lionel Madvourera. Lionel, bonjour. C'est quoi le foyer Marais ? Alors, le foyer Marais, c'est une résidence habitat jeune située au centre de Nancy. On a 91 places de jeunes entre 16 et 25 ans qui sont hébergés. C'est un public varié. Il y a des étudiants, des jeunes en apprentissage, des jeunes qui débutent dans la vie professionnelle. Et on les accompagne pendant 2 ans pour trouver une autonomie et aller vers le logement. Et comment vous êtes retrouvé dans ce festival du film d'action sociale ? Alors j'ai été sollicité par GSA, en l'occurrence toi Lionel, pour participer avec un jury composé de 3 résidents pour visionner un grand nombre de films et pour que voilà, ils participent à ce festival avec leur identité de jeunes. Alors jeudi, c'est les résultats, ça y est, ça commence à venir bon pour les choix. Oui, les choix se sont faits, se sont positionnés, donc voilà, ils participent à ce choix-là en espérant que ça sera celui qui sortira définitivement. Alors là, je suis avec un résident du foyer, bonjour. Bonjour. Ton prénom ? Aston. Aston, dis-moi, c'est la première fois que tu fais partie d'un jury, que tu visionnes des films dans le cadre d'un festival ? Oui, en effet, c'est la première fois. Je découvre en même temps, donc pour moi, c'est la première fois, oui. Alors, tu as vu une partie des films qui ont été sélectionnés dans le cadre du prix de la solidarité. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces films ? Franchement, c'est vraiment intéressant parce que ça parle vraiment de, on va dire, de la société en général, que ce soit les personnes qui sont placées ou il y en a qui portent le voile, enfin, etc., etc. Et du coup, c'est vraiment très, très intéressant et franchement, c'est vraiment, tout ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment intéressant, en fait. D'accord, ça y est, toi, ton choix est fait ? Mon choix est fait. Bon, bah, très bien. Bonne dernière vision. Et puis, on se retrouve jeudi pour le résultat du film qui aura remporté le prix de la solidarité. À bientôt. Nous arrivons presque au terme de cette émission, mais avant, nous allons retrouver des membres du groupe solidaire actif, Alain et Bertrand, qui vont nous expliquer eux aussi leur rôle et leur appréciation de ce 24e festival. À vous, messieurs. Eh bien oui, bonjour, je suis en direct du GSA, à Vendeuvre-les-Nancy. Je suis avec 2 membres du GSA qui font partie donc du jury, Alain et Bertrand. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors, je sais que le GSA participe au Festival du film d'action sociale depuis quelques années. Est-ce que pour vous, c'est votre première participation ? Exactement. D'accord. Et vous Bertrand ? Même chose, première. D'accord. Alors, vous avez, je crois, donc découvert la sélection du festival et donc du prix de la solidarité. Vous avez donc visionné un certain nombre de films. Qu'est-ce que vous en avez pensé de tous ces films-là ? Très instructif et on apprend beaucoup de choses. Et vous, Bertrand ? Même chose, j'ai beaucoup aimé, c'est très vivant. Le choix est très très très difficile à faire sur 15 films. Il y en a vraiment vraiment beaucoup qui méritent le prix, quoi. Alors, donc vous avez justement visionné cette sélection. Est-ce que vous avez déterminé votre choix ? Quel est votre film préféré du festival ? Alors, on a élu certains films, mais on ne peut pas le dire. On verra ça jeudi. Très bien. Et vous, Bertrand, ça a été compliqué ? Plus que compliqué, ça a été... dur en fait, c'est pas facile de choisir et noter, c'est il y en a vraiment beaucoup qui méritaient un prix, quoi. C'était ok. Eh ben écoutez, moi on vous souhaite un très bon festival, toute la semaine vous allez être bien occupé et puis on se retrouve jeudi pour savoir quel est le film qui a été élu. Merci beaucoup et à jeudi. Au revoir Bertrand. Au revoir, à jeudi. Et voilà, je crois qu'on a été complet sur cette 24e édition du Festival du film d'action sociale, Regard documentaire. Je vous rappelle que c'est toute la semaine jusqu'à vendredi, donc à l'IRTS de Lorraine qui se situe au du Lièvre. Si vous prenez le bus, c'est le bus 2 arrêt Tamaris. C'est gratuit. Vous pouvez visionner tous les films et participer à toutes les animations qui auront lieu tout au long de ce festival. Et sachez encore qu'il y a une plateforme dédiée tout le week-end où vous pourrez encore consulter les films qui ont été primés et d'autres films de la sélection. Voilà, et bien on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission des Bons Plans Solidaires. Merci de votre attention, merci à toute l'équipe et à très bientôt. Au revoir, ciao ciao.